dans les champs de maïs aux USA. Elles emportent des fermes plus loin que la NASA. Les femmes sans peur, les enfants en dessous. Le sol gronde, les animaux s'affolent sans dessus dessous. On va dans l'ombre, partir comme ça, c'était pas prévu, Attila. J'ai tellement peur de ce vent, peur que le ciel me tombe sur la tête, tête en arrière, genou devant, chant en avant, sourire de fête. C'était pas prévu.